L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. Chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles. Président est encore dans la forêt. Il aime ça la forêt, lui? Ah, notre président prépare sa saison. OK. C'est un... Et il est en pleine construction de son camp de chasse. Alors, son agenda... OK. Donc, c'est le directeur général qui va faire la chronique pendant ce temps-là. Gilles, parlons maintenant du c'était le tournoi interclub qui s'est déroulé à Saint-Prime. Mais Jonathan Lambert a bien fait. Oui. Encore une fois, Jonathan Lambert s'est distingué. Ça s'est passé dimanche, le match play à Saint-Prime. Et Jonathan a gagné dans la classe 2A. Alors, c'est le champion régional, toute catégorie confondue. Okay. Et dans le 2A, c'est M. Lambert. Dans le A, c'est Régent Girard de Lac-Saint-Jean. Okay. Dans le 2B, Michel Tremblay de Chicoutimi. Et enfin, dans le B, Dominique Caouette de Lac. OK, Dominique Caouette. Donc, il y avait combien de joueurs? Je crois qu'il y avait 32 joueurs. Il y a 8 joueurs qui se sont affrontés le matin dans chaque classe. Exemple, dans le 2A, il y avait 16 joueurs. OK. Danny, je fais un petit point en arrière. Il y avait 8 joueurs dans le 2A qui ont joué la demi-finale, tout comme dans le A, dans le 2B et le B. Ça s'est passé en avant-midi. Et en après-midi, les 4 meilleurs de chaque classe affrontent en finale. Ah, OK. Alors, il y a eu 32 joueurs qui ont joué sur le terrain. Était magnifique. Les nuages, disons, nous ont menacé toute la journée, mais la température était idéale. OK, donc bravo aux golfeurs, bravo également à une température. Est-ce que ça paraît que la température est maintenant du bel, puis on annonce ça jusqu'au 15 septembre, donc ça, c'est de bon augure. Est-ce que ça paraît pour les réservations? Bien, je vais prendre l'exemple de ce matin. Ici, on avait la grille de départ qui était nos membres réguliers. Et depuis 7h30 ce matin, c'est le téléphone qui sonne sans cesse. Okay. Y a des gens qui se présentent sur place. Et puis là, on est parti dans une série de promotions également. Alors, les gens arrivent, ça s'inscrit. C'est sûr que c'est naturel. Le golf puis le printemps, ça va bien ensemble. Mais déjà, je peux confirmer que quand il annonce beau, le téléphone sonne. On a déjà pris pas mal de réservations pour le week-end prochain. Alors, ça s'annonce très intéressant pour... Est-ce que c'est quoi les promotions? Ça ressemble à quoi, vos promotions? Ben, je vais vous donner l'exemple. On a la promotion VIP, okay. Qui est 4 joueurs de golf. Les voiturettes motorisées incluses, les balles de pratique, et tout ça pour 120 $. Alors, ça représente un montant de 30 $ par joueur. C'est bon. Et parfois, il peut arriver des deux joueurs, disons pas quatre, deux copains. C'est un forfait duo, c'est 70 $. Pour deux joueurs avec les mêmes paramètres que j'ai mentionnés, voiturette et balle. OK. Donc, c'était-tu prévu, ça? Ben, vous avez fait ça un petit peu parce que ça avait eu une été difficile du côté de l'achalandage, donc amoindrir un peu les effets négatifs de l'été qui s'est passé? Je pourrais dire que c'est une promotion qu'on note depuis le début de l'année. C'était prévu, donc. Sauf que... On en fait un peu plus la publicité depuis qu'on a eu les 26 mauvaises journées de température au mois de juillet. Et en plus de ça, nous, à chaque jour, on fait des promos sur Facebook. Ah, OK. On regarde les tendances, on regarde les tendances au niveau de la grille de départ, comme cet après-midi ici. J'ai vu qu'à compter de midi, il y avait un ralentissement. Alors, c'est 2-1 dans les joueurs qui vont se présenter. Si le droit de jeu est à 37,95, alors, deux personnes vont jouer de 37,95. Parfois, ça peut être 25 $ pour un joueur à partir de 14 heures ou un spécial météo qui annonce une journée de 21 degrés. Ben, c'est 21 $ pour une rendez-vous. Oh. Alors, on essaie d'utiliser le plus de créativité possible pour attirer les joueurs. C'est-tu pas pire? 21 degrés, 21 piastres. Donc, s'il fait 17, il annonce 17, c'est 17 $. Ben, exactement. Ouais, puis je peux dire que d'ici la fin de l'année, disons que le terrain est à son summum. Et là, les huitaines vont s'en aller, les oies blanches, la température va chuter un peu. on veut attirer le monde. De toute manière, le terrain, quand il y a pas un choc, comme je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas de revenus. Alors nous, on démontre un petit peu plus d'agressivité, puis dans la situation financière d'où est-ce qu'on est parti, chaque dollar est compté, et je peux vous dire que c'est très bon. Les green fees, à quoi ça ressemble? Parce que ça, c'est une température comme aujourd'hui, c'est populaire. Donc, est-ce que les green fees, c'est quand même intéressant également? Ben, c'est exactement parce que pour le monsieur qui a un droit journalier au green fee, comme tu mentionnes, c'est exactement ça, les promos que l'on fait. Les promos, c'est ces gens-là. Le monsieur qui va venir jouer une fois ou deux fois, ou cinq fois dans l'année, on s'organise pour que le prix soit attrayant. On sait que notre terrain est beau. Puis, on veut s'organiser pour qu'il revienne. Okay. Alors, c'est ça la stratégie en arrière de tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant? Bon, qu'est-ce qui s'en vient, nous, comme cette semaine, on a le tournoi des chambres de commerce. Ah, OK. Félicien Robert Ball. Ça doit être... C'est un joueur, c'est quand même bon pareil. Hein? C'est très bon. Au mois de septembre, disons qu'on prend tout. Ouais. On a également, la semaine prochaine, un tournoi provincial de la Sûreté du Québec. C'est un tournoi majeur. Que M. le maire de la municipalité, Lucien Boivin, nous a emmenés sur un plateau d'or. Et c'est 144 joueurs, c'est des policiers, des corps de policiers de partout Québec. Alors, on réserve le terrain pour eux. Comme je mentionnais, c'est 144 joueurs. Et d'ici la fin de la saison, avec, je ne sais pas si tu connais... Ben oui, André Ouellet, c'est mon collaborateur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc... je n'avais parlé avec Rémi, puis on attend 140 joueurs pour ça. Hein? Oui, c'est le 26, c'est confirmé, et même pour les inscriptions, ça va ouvrir dès que. Okay. Nous, ce qu'on a fait avec M. Ouellet, c'est qu'on a négocié une entente où est-ce que lui vendait ses chandails UH Clothing seulement au club de golf s'imprime à travers la région. On a vendu un bon nombre avec différents tournois, on a fait la promotion, et en retour, M. Ouellet, très gentil de sa part, il va nous emmener un tournoi de 144 joueurs. Alors, c'est une échange qu'on peut dire de bon service, et ça va se passer plutôt le 26 septembre, et on invite les gens à visiter notre site web et ou celui de M. Ouellet à UH Clothing pour le tournoi de golf. Les gens peuvent s'inscrire. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Gilles? On se reparle mardi prochain, toi ou Rémi? Parfait. Alors, voilà, c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.